Bonjour à tous mes amis militants, engagés, et puis bonjour à tous mes amis les sans-papiers. Voilà, donc on est dans un monde qui est dur et difficile, et on est tous égaux. Hein. Quand on dit liberté, égalité, fraternité, il faut l'appliquer. Et effectivement, tout le monde doit avoir les mêmes droits, les mêmes devoirs aussi, et tout le monde a le droit à avoir des papiers. Nous sommes dans une petite commune qui essaye de mettre en pratique cette devise de la République. On l'essaye tous les jours avec nos moyens, et c'est pour ça que nous vous recevons aujourd'hui pour ce parrainage républicain. Comme l'a dit François, avant tout, félicitations à vous, associations RESF, LDH et bien d'autres, pour votre accompagnement quotidien de ces femmes, hommes et enfants. Félicitations à vous, marraines et parrains. Qu'il est déjà ou qu'il allait le devenir, pour l'aide que vous apporterez, que vous apportez déjà ou que vous apporterez à ces citoyennes et citoyens du monde non acceptés dans notre pays. L'élection de Sarkozy et la mise en place de son ministère de l'identité nationale entraînent notre pays, à mon avis, dans une impasse morale aussi bien qu'économique. Qu'est-ce que pour nous l'identité nationale? Certainement pas la leur. Dernièrement, j'ai lu dans un article des élèves scolarisés, trois des enfants d'une famille étaient interclasse lorsque leurs parents, encadrés des policiers, sont venus les chercher. Pour moi, l'identité nationale, ce n'est pas ça. Et pour nous, commune de Moselle et élus ici présents, ce n'est pas cela. Pourquoi ces citoyennes et ces citoyens du monde viennent-ils chez nous? Pourquoi? Parmi nous, aujourd'hui, on en va mariner une femme avec ses enfants. Son mari, dans son pays, était journaliste de l'opposition, il a été abattu. Elle est-elle restée dans son pays? Des personnes malades dans ces pays qui ne peuvent pas se faire soigner viennent chez nous pour se faire soigner. Ne devons pas nous les accepter? Sarkozy a fait des lois d'immigration pour faire quoi? Pour faire peur. Pour faire peur. Une fois que ces gens sont chez nous, ils ont peur. Que fait le patronat? Il va les exploiter? Sans formation? Non, ce n'est pas ça notre identité nationale. Donc voici mes amis. Nos droits sont aussi les vôtres. Nous vous accueillons en ce jour pour faire en sorte que l'avenir ait un sens pour vous et que votre vie soit respectée dans sa dignité. Donc fidèle à la tradition républicaine de fraternité, de respect, de la liberté et de solidarité qui sont les fondements de notre République française, nous allons procéder à cette cérémonie afin que vous soyez placés sous le parrainage de notre municipalité de Moselle et de la protection des citoyennes et citoyens de notre pays. Nous vous reconnaissons ainsi comme citoyennes et citoyens à part entière de notre commune et de notre pays. Je suis là aujourd'hui juste en quelques mots pour essayer de faire un bilan du ministère Hortefeux. Vous savez qu'il vient de quitter le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Pour faire bref quand même, le Hortefeux, c'est le ministre de la chasse aux enfants et, comme certains l'ont rappelé, le Stakhanov de l'expulsion. Juste quelques chiffres pour 2008, c'est presque 30 000 expulsions pour l'année 2008. Ça fait 82 expulsions par jour quand même. Et avec plus de 200 enfants qui ont été enfermés dans les centres de rétention administrative, dont 80% qui avaient moins de 10 ans. Hein. Sachant qu'il y a eu des bébés de 3 semaines qui ont été enfermés dans ces centres de rétention administrative et aussi des grands-mères qui avaient 89 ans. Donc c'est pour vous dire un peu la honte de la République que représente ce ministère et son ministre. C'est aussi lui qui a mis quand même en place le concept d'immigration choisie, enfin, lui et Sarkozy, donc ça qui correspond à un tri des étrangers qu'on veut accueillir sur notre territoire, hein, au détriment... en essayant de favoriser, soi-disant, une immigration de travail à la place du regroupement familial. Et dans le même temps, on refuse la régularisation aux milliers de travailleurs sans papier qui continuent de se faire exploiter tous les jours par leur patron dans des conditions honteuses. C'est aussi tous ces gens qui, pour fuir la police, sont morts, soit noyés, soit pendus. C'est aussi... tous ces étudiants à qui on refuse la poursuite de leurs études en France parce que, soi-disant, ils ont raté leur année scolaire. Et c'est la préfecture, maintenant, qui décide si les étudiants peuvent ou non poursuivre leurs études en France. Dernièrement, la signature du pacte européen sur l'immigration, qui va encore durcir les conditions d'entrée des étrangers sur le sol européen. Il faut rappeler aussi qu'il a mis Sarkozy, il a mis des pressions énormes sur les pays africains pour obtenir la signature d'accords entre la France et ces pays pour que les étrangers puissent être expulsés vers ces pays et qu'ils acceptent, que ces pays acceptent pardon, plus facilement l'expulsion des étrangers sur leur sol. C'est une loi du 20 Prairial en 2, c'est-à-dire de juin 1793, qui institue le parrainage civil. Cette loi n'a jamais été abrogée. Le baptême civil est toujours un acte officiel. Mais je dois vous prévenir cependant qu'il n'a pas de valeur juridique, mais qu'il conserve toute sa valeur affective et morale et symbolique. Donc, en ce jour, le 24 janvier 2009, à 11h30, en mairie, se présente devant nous François Rudel, maire de la commune de Moselle, Monsieur Zouzi Banzadio John, né le 6 juillet 1984 à Kinshasa, République démocratique du Congo, lequel nous a déclaré sa volonté de se placer sous l'égide et la protection de l'autorité civile et républicaine, émanant du suffrage universel et dans le respect des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et qu'il souhaite, comme protecteur, à titre de parrain et marraine, Madame Charla Colette, née le 6 mars 1947 à Clermont-Ferrand, retraitée, domiciliée 20 rue Montaigne, à Clermont-Ferrand, 63. Et M. Charla Michel, né le 25 octobre 1945 à Quinya, retraité, domicilié 20 rue Montaigne, à Clermont, 63. Lesquels déclarent accepter la mission qui leur est ainsi confiée et d'aider leur filleul susnommé dans la mesure de leurs forces et de leurs moyens. Donc, dites-vous oui, puisqu'il faut la... Oui, oui. Voilà, et vous aussi, donc John, voilà. Donc, lecture faite, les filleuls, les parrains, les marraines ont signé avec nous François Rudel, maire et officier de l'état civil. Donc le 24 janvier 2009, à 11h30, en mairie, se présente devant nous François Rudel, maire de la commune de Moselle. Donc monsieur Patrick Ngoma Lelo. Madame Kamouania Georgette, née le 25 mars 1966, 68, à Kinshasa, République démocratique du Congo. Donc Madame Mariana Konaté, née le 1er janvier 1988 à Conakry, en Guinée. Monsieur Achille Zouzi, né le 12 décembre 1967 à Kinshasa, toujours en RDC. Donc lesquels nous ont déclaré leur volonté de se placer sous l'égide et la protection de l'autorité civile et républicaine, émanant du suffrage universel et dans le respect des valeurs de la République, liberté, égalité et fraternité. Et qu'ils souhaitent comme protecteur, à titre de parrain et marraine, Bruno Desroches, Monsieur Moulinet Stéphane, Madame Nathalie Daguillon et Madame Meyer Odile, lesquels déclarent accepter la mission qui leur est ainsi confiée et d'aider leurs filleuls susnommés dans la mesure de leurs forces et de leurs moyens. Oui. Lecture faite, les filleuls, les parrains, les marraines ont signé avec nous François Rudel, maire et officier d'état civil.